Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume, car vous entrez dans la réalité augmentée. It's me, Mario. Réalité augmentée, les technos à un autre niveau. Les technos à un autre niveau. Shut up and take my money. Bienvenue tout le monde à ce 9e élément de la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. On va tout de suite faire sûr qu'il y a du monde au bout de la ligne. Avec nous, Luc Desormeaux. Salut Luc! Salut, salut! Et Dominique Simard. Oh yeah! Pour ceux qui nous écoutent en différé, OK, sur lefacteurgeek.com ou encore via les iPatentes ou encore vos baladeurs MP3, là, peu importe, en version podcast, c'est notre prise 2. Première fois, pour une raison qu'on ignore, ça a flanché. Donc, voilà pourquoi je dis on va faire ça tout de suite, d'avoir les collaborateurs avec nous. Ça fonctionne. En tout cas, ça tient. Ben, je peux dire quelque chose. Je suis content un peu que ça allait être planté. Parce que aujourd'hui, je suis en train d'avoir une journée de congé. Je suis rentré au travail. Puis je viens juste d'arriver chez moi. Ça fait comme 5 minutes à peine. Fait que j'étais comme content en même temps que ça ait planté que je puisse faire le début du show avec vous, tu sais, quand même. Ben, ouais. C'est un mal pour un bien. Disons, on s'est organisé. C'est le destin, en fait. Merci de te réjouir de nos malheurs. Tantôt, quand c'était en. Mais tu sais, tu disais, ah, j'espère que tu ne lâcheras pas, tu sais, que tu vas continuer. Puis que, tu sais, si. On t'aime. Mais pas trop quand même. Mais tu sais, je t'avais dit non, je suis pas un lâcheur. Puis tu sais, je me suis vraiment dépêché à arriver pour être là au début, mais 5 minutes de retard quand même. Ouais. Mais bon, je suis là quand même. Ça, puis personne s'en fait que moi, j'étais tombé dans une craque interdimensionnelle à quelque part, puis que j'étais même pas là, tu sais. Genre, je parlais dans le bar. On appelle ça une craque de divan par chez nous. Ouais, ben, c'est une craque interdimensionnelle. Okay. On t'a rattrapé, c'est ça l'important. J'avoue, pour ceux qui m'ont vu, ils doivent se dire ça doit être une maudite grosse craque interdimensionnelle, mais regarde, tombé dans une craque pareille. Le fameux fléau du poids des années 2010. On est des esclaves de l'image. Il hein? faut avoir le bon poids. Ouais, c'est ça. Réalité augmentée, technologie et aussi jeux vidéo. Aujourd'hui, ça sera même pas mal plus jeux vidéo que techno, deux fois plutôt qu'une des chroniques sur le jeu vidéo. Cette semaine, vu qu'on tombe après ça en vacances pour 3 semaines, retour le 7 janvier, on va laisser de côté la partie nouvelle parce que. Ben non, mais on fait pas le podcast dans ce sens-là. Ah, là. OK. Parce que non, je continue à travailler pour la prochaine semaine. Ben, on va laisser tomber les nouvelles parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous allez nous écouter. Oui, il y a des gens que c'est en direct sur le CILEMF.com ou sur les ondes pour les gens de la Manganie au 95,1 et 97,7. Mais pour les gens qui nous écoutent en différé, ben, comme on ne sait pas à quel moment vous allez avoir du temps pour nous écouter, ben, on va laisser ça vague. Nous sommes quelque part dans le temps des fêtes. Mais c'est pas juste ça aussi, Jean-Benoît, c'est qu'on a un show quand même assez chargé aujourd'hui. Là. Ah, beaucoup de matériel. On va commencer avec les jeux qu'on a joués cette semaine. On va commencer avec toi, Luc. À quoi tu t'es adonné cette semaine? Parce que c'est pas de gaming que tu vas nous parler, c'est plutôt de cinéma. Ouais, ben moi j'ai continué à jouer au jeu que je vous ai parlé la semaine passée qui était Skylanders Lost Island. Et je me suis avancé dans The Walking Dead, qui, ma foi, n'est pas pour les cœurs sensibles. T'as les deux premiers épisodes de fait, là. J'ai les deux premiers épisodes de fait, puis le premier, je veux dire, c'était quand même, bon, OK, c'est gore, comme on dit, ou un peu sanglant, mais dans le deuxième, là, ils mettent ça un petit peu en cinquième vitesse, ça commence à être de pire en pire. Attends de voir le troisième. C'est ça que j'ai commencé le troisième, puis ça commence déjà rough. L'histoire est vraiment solide, par exemple. J'ai hâte d'avancer dans l'histoire. Là. C'est pas pire, c'est 2 heures par épisode. Fait que d'ici une couple de jours, au début de la semaine prochaine, je devrais avoir fini. Fait que je vais vous en reparler, mais qu'on revienne des vacances, des fêtes. Juste comme ça, là, on le sait, là, le personnage qu'on campe, on peut lui faire prendre à peu près n'importe quelle facette. On a une possibilité de jouabilité dans le sens de choix qu'on peut prendre. Ouais. Toi, t'es-tu le chien sale? T'es-tu le bon gars? T'es-tu le cachotier? Comment est-ce que tu déroules ton histoire? Ça dépend avec qui. Je vais jouer mon personnage selon ce que l'autre personne m'a fait. Mais toi, avec Clementine, est-ce que tu caches la vérité ou tu dis vraiment que ses parents sont morts? Puis que... J'ai, non, moi, j'ai pas dit que ses parents étaient morts, mais pour le reste, je suis assez franc avec elle. Je cache donc, pas nécessairement la vérité. Donc, tu as dit que t'étais un prisonnier, mais pas un prisonnier, mais un détenu qui s'en allait... Non, ça, j'y ai pas dit, mais j'ai expliqué pourquoi il fallait prendre des vivres puis des choses comme ça. Tu sais. Mm-hmm. J'essaie pas nécessairement de tout y cacher, mais étant un enfant, quoi, elle a 6 ans, Clémentine, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, elle a l'âge à mon gars. Fait que, tu sais, j'essaie de dealer avec comme je dealerais avec mon gars si on serait dans une situation comme ça. Là. Mais avec les autres, ça va dépendre de ce qu'ils ont fait. Je veux pas spoiler, mais les deux frères, ça ferme, là. Ouais, ça, c'est... Il faut que tu prennes une décision, puis j'ai pris une décision selon la gravité de leur... Zach. Moi, j'ai joué juste le premier épisode, puis quand est arrivé cette situation-là, c'est comme la première fois que t'as le choix entre une ou l'autre des deux personnes, puis tu sais, moi, je ne savais pas que l'autre allait crever, je me suis dit, ils vont m'occuper... Il y a du monde qui ne l'ont pas encore joué, qui attendaient qu'ils sortent en jeu. Attends, ouais, mais j'ai tellement pas clarifié la situation. Non, mais je savais pas que ce choix-là... Moi, je me disais, l'autre est comme moins pire, tu sais, il va être capable de se débrouiller. Mais non, c'est pas le cas, là. Non. Tu fais des choix déchirants. Le jeu-là, il y a vraiment des choix déchirants que tu fais. Là. Puis plus tu avances dans l'acte 3, là, où je suis rendu, là, je sais pas si il va y avoir une décision à prendre, parce que j'ai arrêté de jouer avant de me rendre là. Oui. Elle va être difficile, la décision. Là. Mais ce que je peux te dire là-dedans, c'est que tu penses des fois de prendre des bonnes décisions, mais plus tard dans le jeu, ça servait carrément contre toi. Fait que tu sais, tu penses que tu fais des bons choix, en choisissant une personne au détriment de l'autre. Sauf que des fois, tu peux te rendre compte que l'autre personne t'aurait été bien plus utile que l'autre personne que tu as décidé de garder avec toi. Ouais. Fait que c'est ça que, tu sais, c'est ça qui est vraiment le fun, parce que tu peux recommencer le jeu d'une autre manière par après. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas très long, c'est environ une quinzaine d'heures pour les 5 épisodes, tu sais, fait que ouais, ça prend quand même assez de temps. À peu près 2 heures max là, de l'épisode. Là. J'ai hâte de voir si la tournure finale va être en mesure de prendre en compte toutes les décisions. On me dit que Mass Effect, ça avait eu des ratés, là, puisqu'on avait offert une liberté de choix. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que on s'entend là, qu'on a globalisé un peu, mais que quand même, ça prenait en compte les choix. Ouais. Mais dans Walking Dead, si tu regardes, à chaque épisode que tu commences, t'as une espèce de... T'as une espèce de petit film qui te dit, tu sais, comme quand tu regardes une émission, c'est auparavant dans The Walking Dead, c'est ce qui s'est passé dans l'autre épisode, puis il te montre clairement les choix que t'as fait. OK. Ouais, puis ce qui est le fun aussi, c'est quand t'as fait ton choix à la fin de l'épisode, mettons, ça marque combien qu'il y a de pourcentage de personnes qui ont pris les mêmes décisions que toi. Ouais. Ça, c'est vrai, cool. C'est vraiment solide, là. C'est vraiment solide comme jeu. Fait qu'au retour des fêtes, t'as pas le choix, là. Faut que tu nous en parles le plus en détail, que tu nous fasses ta critique. Oui, mais on va essayer de ne pas spoiler non plus. Mais ouais, mec, j'ai fini. Au retour des fêtes, ça va être ma prochaine... Tu vas appeler ça comment? Zombie Christmas? mon party de temps des fêtes. Jean-Benoît, tu parlais de Mass Effect. Mass Effect, le problème, c'est que oui, ils ont dit que plusieurs décisions affecteraient, mettons, avec ta sauvegarde que tu as gardée pour le jeu. Mais par contre, la plupart des choses qui se répertorient dans ton jeu, si tu as gardé ta sauvegarde, mettons, de Mass Effect 2 pour le 3, c'est plus des petites choses. T'sais, ils ont mis 900 choses à peu près dans le jeu, mais c'est comme tu vas te présenter une place, tu vas dire, hey, t'en souviens-tu quand on a fait cette guerre-là ensemble, tu sais, dans autre épisode, disons, je m'en souviens. T'sais, c'est juste des petites choses comme ça, c'est rien de vraiment extraordinaire non plus. Fait, Walking Dead, ils ont vraiment poussé ça à l'extrême avec les choix que t'as à faire. Parce que c'est dur de globaliser les choix qui ont pu être faits, puis de créer le parcours de A à Z, puis avec une fin qui concorde. Mm-hmm. Parce que, tu sais, dans Walking Dead, on va plus que ça, puis là, c'est, je veux pas nécessairement spoiler le jeu, mais oui, il y a du monde qui meurt dans ton groupe, dans tous les films d'horreur, puis tu prends une décision de sauver une personne au lieu d'en sauver une autre. Mais le restant du jeu est affecté parce que la personne qui va te suivre dans les autres étapes, c'est la personne que tu as sauvée, pas celle qui est morte. Là. Non, c'est ça. Fait que le jeu complet est vraiment... je prends l'histoire que tu fais avec. Fait qu'il y a une trame qu'eux autres ont faite. Puis toi, tu crées ton propre film en prenant tes décisions. Puis ça affecte vraiment où le jeu s'en va. Parce que c'est un personnage totalement différent qui va te suivre jusqu'à la fin. À moins que ce personnage se fasse trucider pendant le restant de l'histoire. Là. Mais t'as quand même pris la décision de sauver le personnage X au lieu du personnage Y. Puis c'est ce personnage-là qui te suit dans les prochaines étapes. Puis advienne que pourra, là. Il faut que tu fasses attention aussi, par exemple, parce que il y a des personnes qui savent t'es qui. Il y a des personnes qui savent ton passé. Ouais. Ça, il t'en parle à un moment donné dans le jeu. Tu penses que tu rentres là incognito, personne ne sait qu'est-ce que tu fais là, tout ça. Non. Fait que, tu sais, faut que tu fasses des alliances avec du monde, mais il y a du monde qui vont se liguer contre toi aussi. Fait que, tu sais, faut vraiment. C'est vraiment incroyable comme jeu. Tu sais, c'est dur à expliquer. Faut l'avoir joué pour comprendre vraiment ce qu'on veut dire. En tout cas, une chose est sûre, de la façon qu'on en parle, les gens se rendent bien compte de l'amour qu'on porte à ce jeu-là, puis des qualités immenses qu'il possède. Ben, c'est ça, moi, j'aimerais ça que le monde, après avoir essayé ça, qui ont peut-être passé à côté, qui ait essayé Back to the Future. Retour à le futur, qui est basé sur le même principe. Puis qui est vraiment. Alors, c'est sûr que c'est moins extrême, on s'entend, que Walking Dead, mais ça reste du même studio, Telltale Games, ça reste aussi bon quand même. Là. Ouais, mais c'est plus BD aussi. Ouais, Back to the Future, les graphismes sont un petit peu moins peaufinés. Moins violents aussi, un peu. Ouais, mais j'aimerais ça que Telltale refasse un jeu vraiment à la Walking Dead, mais un jeu plus grand public. Là. Ben, on s'entend. Ils sont quatre fois la deuxième saison. Là. Ouais, c'est ben, la, ouais, un autre jeu complet. Ouais, puis, mais il y a aussi Daniel Rioux, l'étodane, qui est sur Twitter, qui disait qu'il travaillait peut-être sur un remake de King Quest aussi ou quelque chose comme ça. Ah, ça pourrait être bon, parce que moi, j'ai tout aimé de Telltale jusqu'à date, à part peut-être ce qu'on voulait faire avec Jurassic Park. Ah, ils ont voulu pas, faire le même principe, encore du point and click, un peu comme Back to the Future puis Walking Dead, mais ils ont manqué leur coup avec Jurassic Park, malheureusement. OK. Mais moi, je dis au monde, si vous n'avez pas le cœur sensible, c'est sûr, si vous n'êtes pas capable de planter une écharpe dans un doigt sans perdre connaissance, jouez pas à ce jeu-là. Ça prend des nerfs assez solides parce qu'il y a des scènes assez troublante dans le jeu. Là. Bon, tu viens de disqualifier ma mère. Ma mère peut plus jouer. Achetez pas ça à vos enfants. Là. Toi aussi, JB, t'as peur à rien dans les jeux vidéo. Ouais, mais j'ai fait le premier épisode, ça allait bien. Mais je pense qu'une. Ouais, mais attends, c'est rien sur le premier épisode. Ça met juste la table à qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, le deuxième commence extrêmement solide et le deuxième, très troublant. Je me souviens plus. Le deuxième, c'est-tu le gars qui est à terre? Faut que tu décides si tu le gardes dans la vie. Okay, ouais. Mais un ou l'autre, il arrive le même résultat quand même. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est ça. J'ai lu les bandes dessinées, donc je suis pas si sensible que ça non plus. Non, mais il y a quelque chose entre le lire puis le voir et être acteur dedans. Décider toi-même de prendre la décision de, c'est quelque chose. Mm-hmm. Dom, de ton côté, tes jeux de la semaine, parce que là, à un moment donné, Luc, c'est assez, là. Hein, j'ai joué longtemps. Un passionné, c'est un passionné. Mais oui, exactement. Écoute, j'ai joué quasiment à rien parce que j'ai une semaine de travail de fou. Puis écoute, la première fois que j'ouvre mes consoles, là, c'est mercredi, puis j'ai fait les mises à jour. That's it. En fin de semaine, c'est-à-dire hier, j'ai joué 2 heures à Assassin's Creed 3. Enfin, j'ai commencé. Ça a été tout. Combien de fois ça t'a planté d'en face? Ben, j'ai joué 2 heures. Ben non, mais pas planté d'en face. Fait que juste 3 fois. Ouais, c'est ça. Non, ça m'a pas planté une fois. Puis, je sais pas, j'ai fait le test, j'ai installé le jeu sur mon disque dur. Puis, bon. Puis, j'ai joué aussi un petit peu tantôt. Ben, j'ai continué mon aventure dans Assassin's Creed 3 Liberation que je suis pas capable de délaisser. C'est trop bon, ce jeu-là. Ça a juste pas de bon sens. Là. Ceux qui ont une PS Vita, ça vous prend absolument ce jeu-là. C'est un must dans votre ludothèque. Là. Moi, cette semaine, j'ai continué dans Far Cry 3, dont j'ai fait pour la première fois une critique écrite d'un jeu vidéo disponible sur le Facteur Geek. Un gros bravo en passant, c'était superbe. Ah, ben écoute, je relisais, puis il y a certains trucs, des fautes, des tournures de phrase que je reprendrais, mais on va s'améliorer. Ouais, l'essentiel est là. Une critique, dans le fond, c'est ton opinion, c'est ton feeling, c'est de savoir qu'est-ce que t'as vécu, t'as aimé ça, qu'est-ce que t'as pas aimé. Le monde, des fois, ils ont de la misère à comprendre ça. T'sais, c'est pas un explicatif du jeu, une critique. Là. C'est vraiment ce que toi, t'as vécu. Ça veut pas dire que toi, t'as eu des bugs que moi, nécessairement, je vais les avoir non, aussi. Non, c'est vrai. C'est vraiment l'expérience de la personne qui fait la critique qu'on veut savoir. Dans dans ce sens-là, je pense que j'ai réussi, mais c'est les fautes d'orthographe, je trouve ça on va se rattraper. Il y a certains journaux à Montréal que je nommerai pas qui est pour être faute d'orthographe, puis il y a du monde qui corrige avant de le mettre sous presse. Je te dis ça de même. Oui. Puis c'est pire à cette heure avec les journaux en ligne. Là. Des fois, sur la presse, pas énommé parce que j'aime beaucoup aller lire la presse. Puis des fois, tu lis des articles, puis tu regardes les tournures de phrases ou des mots qui manquent, tu dis vraiment, là, ça a été mis en ligne rapide pour avoir la une, là, puis après ça, ils corrigent plus tard. Juste à matin, justement, tu parlais de la presse, il faisait une espèce de top 10 des jeux de simulation de sport 2012. Ils ont mis WWE13, mais ils ont marqué WWE3. Ils ont bien un 1. Fait que c'est juste d'affaires comme ça que tu dis, ouais, OK, il aurait pu comme passer par-dessus le texte puis regarder. Mais c'est tout le monde en fait des fautes d'orthographe. C'est quasiment impossible de ne pas en faire. Là. Ah, je recherche la perfection quand même. Mais bon, c'est... Ben, tu l'as, là. On est là. Ah, non. Bon. Et bon, c'est pas modestie que t'étouffes. Ben, il doit vanter fort à Longueuil. Ouais, certainement. Ben, là, est-ce que je parlais pour toi aussi, Luc, là? Non, non, moi, j'embarque pas là-dedans. Moi. Saint-Zotique n'embarque pas là-dedans. Non, moi, la perfection, je suis extrêmement loin de là. Ouais, mais il n'y a pas de marque d'endroit qui disait la perfection au masculin. Ben, c'est ça. N'importe quoi. C'est... Hey, si je peux juste embarquer avant qu'on passe à d'autres choses. Ouais. Je parlais la semaine passée du jeu Skylanders. J'ai été m'acheter le portail Skylanders pour le iPad. Ça va, ça vient. Ben c'est super le fun, puis c'est ça, je veux juste le dire au monde, parce que Noël s'en vient, là. C'est probablement une des bébelles les plus hottes de l'année, parce que ça commence à être dur à trouver. Si vous achetez celui pour l'iPad, ça vient avec un code pour télécharger Skylanders Battlefront, que je parlais un peu la semaine passée d'un trois jeux qu'il y a sur l'iPad. Le portail vient avec un câble USB. Vous pouvez le, il se connecte par Bluetooth au iPad, iPhone, iPatente. Il se connecte par USB sur un PC si vous voulez. Il y a un jeu en ligne, un MMO de Skylanders qui est totalement gratuit, là. Mais vous pouvez acheter du stock in-game, comme on dit. Mais le portail va se connecter sur votre PC. Vous téléchargez le pilote et le portail peut marcher aussi avec le jeu. Donc, toutes les figurines que vous achetez, vous pouvez les utiliser sur toutes vos consoles si vous avez des portails de consoles, sur votre iPad et sur le jeu en ligne aussi. Donc, c'est vraiment compatible multiplateforme, là, le portail, en tout cas celui pour le iPad. Puis, quand je le branche dans mon PC, ça dit Xbox Portail. Donc, d'après moi, si vous achetez un pour la Xbox, il est compatible aussi avec votre PC. Puis, les figurines, ben vous pouvez les utiliser un peu partout. Là. Hein, ils ont-tu trouvé le truc, eux autres, pour faire de l'argent? Oui, mais il aurait quand même pu faire plus d'argent s'il aurait, ce serait arrangé pour que ta figurine marche une fois, s'enregistre en ligne, puis tu peux plus l'utiliser ailleurs. Là, non, moi, c'est sûr, c'est vrai. J'ai un portail Bluetooth, ma femme a son iPad, moi j'ai mon iPad. J'ai branché le portail à son iPad par Bluetooth, on a mis toutes les figurines dedans, elle a toutes les figurines. J'ai branché le portail sur mon iPad, j'ai mis les figurines dedans, j'ai toutes les figurines aussi. Fait qu'on peut se partager les figurines, tu n'as pas besoin d'acheter trois fois la même pour trois personnes. Tu sais, genre Xbox, que ça te prend trois abonnements pour jouer en ligne. Ouais. Pour faire de l'argent. Là. Mais non, fait que c'est juste comme ça. Si vous pensez acheter des Skylanders, il y a plus que juste le jeu Xbox ou iPad. Celui de la PS3, je sais pas s'il est compatible sur d'autres choses. Mais celui de la Xbox, au moins, puis celui du Apple pour le iPad est compatible avec vos PC aussi. Fait que vous pouvez l'utiliser pour faire plus de choses que juste jouer sur une console. Donc, soyez-en au courant. Oui, parce que ça amateurs. Va être cette année, c'est difficile à trouver maintenant. Ah ouais, à ce point-là? Mais Amazon en a en stock. Oui, Amazon en a en stock aussi, puis il est moins cher chez Amazon que je l'ai vu chez Walmart, qui était 75$. Amazon est 69$. Le kit de départ avec le portail. Si vous voulez pas de portail, c'est 20$ de moins. J'ai fini pour ça. Je vais juste mettre le monde au courant. Le speech de vente est fait. C'est ça. Ouais. On va débuter justement avec toi, Luc, pour ta critique de film. Tu y vas avec Men in Black 3, film que j'ai écouté aussi. Donc, on va voir si on a la même vision de ce film-là. Ouais, Les Hommes en Noir 3, bon, ça met en vedette Will Smith dans le rôle de l'agent J, Tommy Lee Jones dans le rôle de l'agent K. Si vous allez voir ce film-là, pour Tommy Lee Jones, vous allez rester un peu sur votre appétit parce qu'il est là au début, il est là à la fin, mais il n'est pas là dans le milieu. Parce que le film se passe dans le passé où Will Smith, qui est là tout le temps, lui, va voir le jeune agent K, qui est joué par Josh Brolin, puis il y a aussi l'agent O, qui est joué dans le présent en 2012 par Emma Thompson, qui est une actrice bien connue, et dans le passé, qui est en 1969, par Alice Eve. On joue sur deux fronts dans ce jeu-là, dans ce film-là. J'avais vraiment peur quand je l'ai loué. Je m'attendais vraiment à détester le film parce que je me disais, ils ont fait un 3 pour faire un coup d'argent parce que l'histoire devrait probablement pas être solide comme la plupart des 3. À un moment donné, on fait des films pour faire des films puis c'est vraiment juste pour faire un coup d'argent sur une franchise qui pogne. Mais non, j'ai été agréablement surpris. Donc, l'histoire, on est en 2012, ça fait 15 ans que l'agent G et l'agent K travaillent ensemble. Là, le personnage de Will Smith, qui est l'agent J, se demande vraiment pourquoi Tommy Lee Jones ou l'agent K est vraiment si renfermé que ça, est vraiment si aride et rit jamais. Puis c'est vraiment le personnage qui va pas, tu sais, va jamais à l'extérieur, va pas avec ses collègues. Il a une vie très renfermée. Donc, on s'aperçoit aussi que bon, dans le film d'avant, on a perdu la personne qui gérait la place. Donc, c'est rendu une dame qui est l'agente O, qui gère maintenant l'espèce de consortium des hommes en noir, ou l'espèce de bâtisse où tous les hommes en noir se rejoignent. Là, on s'aperçoit qu'il y a une base sur la Lune qui était cachée d'à peu près tout le monde, avec un super extraterrestre boglodyte qui s'appelle Boris l'Animal. Et Boris l'Animal, c'est un des extraterrestres que l'agent K a mis en prison dans les années dans le 1969, au lieu de l'éliminer. Boris l'Animal, qui était un terroriste extraterrestre assez violent, mais l'agent K ne pouvait pas se déterminer à le tuer, donc il l'a juste fait mettre en prison. Et on apprend que Boris l'Animal, ou on voit Boris l'Animal se sauver de prison, et le seul but qu'il a, ben, c'est d'éliminer l'agent K qui l'a mis en prison et lui a aussi, par le même fait, arraché un de ses bras. Donc, l'histoire se passe pour la majeure partie dans les années 1969. Donc, on voit, au début, on voit l'agent J puis l'agent K, donc Will Smith et Tommy Lee Jones faire ce qu'ils font de mieux, ça veut dire ramasser des extraterrestres qui sont délinquants dans un restaurant chinois, où ce qu'on a des scènes quand même assez comiques de poissons bizarres qui sont servis aux humains qui devraient pas. Puis, on s'aperçoit que Boris l'Animal arrive et on voit tout simplement Tommy Lee Jones, ou l'agent K du présent, disparaître. Puis quand je dis disparaître, c'est vraiment, il vient translucide puis il est plus là. Un peu comme dans Retour vers le futur, quand Marty McFly devient transparent parce qu'il est en train de disparaître, là, un peu dans ce style-là. Et puis, on sait que dans ce cas-là, il est mort, il s'est fait tuer par Boris l'Animal dans le passé, parce qu'il a trouvé une manière de voyager dans le temps et de retourner pour tuer l'agent K en 1969, juste avant qu'il se fasse arrêter. Donc, au lieu de se faire arrêter, il tue l'agent K. Je t'écoute, Luc, puis je me dis, c'est compliqué. J'ai vu le film. C'est compliqué, oui. À l'oral de même, c'est compliqué, là, mais aller voir le film, c'est super simple à comprendre. C'est parce qu'on voit, là, c'est ça. À chaque fois que tu parles de film de voyage dans le temps, où il y a deux personnages qui se rencontrent, ou une affaire, ça devient compliqué à expliquer. Mais quand vous allez voir le film, ça s'explique de soi-même. Là. Okay. On comprend l'histoire. Il y a deux Boris l'Animal, un de 1969 et celui de 2012 qui est retourné en 1969, puis ils s'entraident pour tuer l'agent K, finalement. Fait que là, on trouve Will Smith, l'agent J, qui trouve un deuxième bidule à voyager dans le temps, pour justement aller aider l'agent K du passé à pas se faire tuer, puis à réarrêter Boris l'Animal. Donc c'est un peu l'histoire, c'est assez loufoque. C'est sûr que c'est du Men in Black, donc les effets spéciaux sont parfois, j'ai trouvé parfois inégal, des fois super beau, des fois ça a l'air film de série B, mais je pense que c'est un film qui est fait pour avoir l'air d'un film de série B, ou si on se prend pas trop au sérieux. Là. Si vous cherchez un petit film de science-fiction avec de l'action dedans, je vous dirais que c'est un bon film à louer. Si vous êtes un fan fini de la série, vous pouvez peut-être vous l'acheter. Là. Mais je pense pas que je le regarderais plus que peut-être une autre fois. Donc, acheter un Blu-ray à 30$ pour regarder ça deux fois, pas nécessairement. Mais c'est un très bon film. Moi, j'étais vraiment certain que j'allais pas l'aimer. Parce que, comme je disais au début, un troisième, souvent, on étire la sauce, on sait pas trop où s'en aller. On fait une petite histoire un peu légère où on retrouve les mêmes personnages, puis ça passe bien, puis le monde va voir le film, chiale pas trop, puis c'est correct. Mais je vous dirais, pour avoir vu les trois, j'ai aimé mieux le 3 que le deuxième même. Oui. Non, et de loin meilleur. L'idée était beaucoup plus originale et bien amenée. Ouais, fait que c'est vraiment le fun. On voit ça explique aussi certaines choses dans l'histoire. Je rentrerai pas là-dedans parce que ça serait spoiler vraiment trop là. Mais ça explique beaucoup de choses dans l'histoire de Men in Black. Donc pourquoi telle personne a été recrutée, ces choses-là. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous êtes fan de la série, c'est un film à voir parce que ça va vous expliquer aussi justement tous les mystères depuis le début de la série. Moi, je trouve que le 3 ferme bien la boucle. Ils vont-tu en faire un 4? Faudrait regarder les résultats au box-office pour savoir s'il va en avoir un 4, parce que je trouve que ça finira bien comme ça. Mais vu que ça a probablement fait pas mal d'argent au cinéma et en vente en DVD et en Blu-ray, j'ai peur qu'il va en avoir un quatrième. Regarde donc ça, là, ça va être un Men in Black de Origin. Ouais, peut-être Men in Black. Il pourrait peut-être, là, parce qu'il y a sûrement matière à. Surtout que. Le personnage de cas, là. Avoue, Luc, quand même, la fin explique bien des choses du film. C'est un film à voir si vous êtes fan, ouais. Parce que ça explique beaucoup de choses, même dans les autres films, parce qu'on apprend des choses qui peuvent reculer au début du premier Men in Black, là. Ouais, c'est ça. Donc, mon seul point négatif, je disais, du film, c'est qu'on voit pas assez longtemps Tommy Lee Jones. Ben c'est ça, c'est parce qu'il est pas... Ouais, je sais, mais tu sais, ça m'a manqué, parce que tu sais, on peut bien dire Men in Black, oui, c'est Will Smith, mais wow, t'es un peu, il est pas tout seul, il a toujours eu Tommy Lee Jones avec aussi. Là. Ouais, Tommy Lee Jones, il est rendu dans les films comico-romantiques avec des dames de 60 ans. Là. C'est sûr qu'il est rendu un peu plus vieux. Ça reste que quand il est dans le film, il est solide, sa performance est solide. Josh Brolin, qui le joue jeune, a vraiment les mêmes mimiques puis est vraiment aussi solide que Tommy Lee Jones. Donc, je verrais peut-être un autre film avec lui dans le passé. Ouais, comment est-ce qu'il a été inscrit dans les Men in Black? T'sais, comment est-ce que lui a commencé à participer à cette organisation-là? T'sais, je verrais de quoi de même, là. C'est ça, on pourrait voir ça comme ça. Donc oui, il y a possibilité d'un autre film. Ça, j'en douterais pas. Ça pourrait être bon, dépendant de ce qu'ils s'en vont avec ça. Mais oui, si vous, comme je dis au début, si vous voyez le film parce que vous trippez Tommy Lee Jones, ben il est pas là beaucoup parce que son personnage, on le voit quand il est jeune. Donc il est là au début, il est là à la fin, mais il est pas vraiment là dans le milieu. Là. Mais c'est un excellent film. Comme je disais, j'étais sceptique avant de le voir. Je me suis dit, bof, moi, le louer, ça va coûter 6$. Puis au pire, on dépense 6$ sur des affaires pires que ça. Puis non, finalement, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé bien bon. Donc, moi, je vous dirais, louez-le ou achetez-le si vous voulez. Mais je donnerais peut-être un 7,5 sur 10. Ah ouais, moi, quand même. Moi. Dom, toi, tes jeux, ça c'est ta critique, ben pas ta critique, mais ta chronique de cette semaine, les jeux méconnus de 2012, mais qui valent le détour. Je te dirais méconnus, oui, mais tu sais, jusqu'à un certain point, ça doit pas être un vrai joueur. Ah là, tu vas me parler de Dishonored, là, hein, c'est ça? Ben non, ça tout le monde le connaît. Okay, okay, là, okay. Il y a des jeux de l'année, là, à peu près partout. Fait que... Non, ben. C'est des jeux peut-être qui ont passé inaperçus sur le radar parce que soit qu'il y a des semaines, qu'il y a plein de jeux qui sortent en même temps ou qu'il n'y a juste pas eu de publicité malheureusement. Je sais pas, les vrais gamers, en tout cas ceux qui jouent à tout, vraiment à tout, pour moi un vrai gamer c'est ça. Tu n'es pas un faux gamer, mais un vrai de vrai va jouer à tout. Un hardcore. Jouer à tout, okay? Ils vont se souvenir de l'année 2010. Que oui, bon, ça a été l'année de Batman, ça, tout le monde le sait, je suis d'accord. Par contre, il y avait trois jeux qui étaient sortis cette année-là, qui avaient passé sur le radar de bien du monde, mais qui étaient pourtant excellents, puis qu'ils ont passé à quelques brindilles d'être des jeux de l'année. Je parle ici de Enslaved, Odyssey to the West, qui était vraiment excellent, qui est une des meilleures fins que j'ai vues dans un jeu vidéo. Un jeu comme Singularity, que wow, il y a quatre fins différentes, c'est vraiment excellent comme jeu. J'aimerais ça qu'il y ait une suite, honnêtement, c'était un de mes jeux favoris en 2010. Un autre, Metro 2033, que la suite s'en vient en 2013, Metro Last Light, qui est encore là, un jeu très, très, très bon, un jeu excellent, mais... Aucune publicité, malheureusement. Si tu compares Metro Last Light cette année, que de la publicité n'a pu finir, ils n'ont pas fait la même erreur ce coup-là. Cette année, ça a été un peu la même chose. Il y a deux jeux vraiment qui ont retenu mon attention, qui ont peut-être passé sous le radar, malheureusement. Mon premier, c'est Binary Domain. Quel jeu! Une fin époustouflante. Un jeu que j'ai terminé, puis que quatre fois plutôt qu'une, dans les derniers niveaux, je me disais, bon, mais là, c'est la fin, là. C'est sûr que c'est la fin. Voyons donc, ça finit de même, c'est clair, c'est une belle fin. Non, il me surprenait, il revenait encore avec quelque chose. La deuxième fois, ah ben là, c'est sûr que c'est la fin, là, beau scénario à la fin. Non, il revenait encore avec quelque chose. Puis la fin, ben, wow, ça met à table pour un deuxième, puis j'espère qu'on va en avoir un deuxième parce qu'il n'y a aucune rumeur là-dessus présentement. Mais quel bon jeu! C'est un jeu de tir, mais un jeu de tir tactique. T'as un squad avec toi. T'as plein de choses à faire là-dedans. C'est vraiment incroyable. Les boss de niveau sont quand même difficiles, mais sont faisables. Le jeu, il est très beau. Fluidité impeccable. J'ai vraiment eu du plaisir. Binary Domain, honnêtement, là, bon, ceux qui veulent, c'est pas un jeu par exemple pour tous, parce que c'est un jeu de tir, mais un jeu de tir avec des gros robots puis tout ça. Fait que peut-être que le monde n'aimera peut-être pas ça, mais moi j'ai adoré. Puis bon, ceux qui ont une Kinect, ceux qui l'ont essayé sur 360, vous pouvez dicter avec votre micro carrément que la casse d'écoute qui donne avec la Xbox ou avec la Kinect, donner des ordres à vos coéquipiers. Ça, je trouve ça fun, mais que ça rajoute quelque chose. Ça, c'est comme si tu sens vraiment le boss dans le jeu. Hein. Ça, ça... Est-ce que c'était bien implémenté? Le commandant, puis tu sais, c'est... Ça a l'air niaiseux, mais ça rajoute vraiment quelque chose. C'est sûr que, bon, c'est des précommandes, c'est des commandes qui sont prédéfinies quand même. Là. Je veux dire, tu sais, tu peux pas dire n'importe quoi non plus. Là. Mais est-ce que ça réagit bien? Parce que souvent, oui, c'est ça, ça le problème. Vraiment le travail. Honnêtement, c'est vraiment cool. Là. Ça rajoute vraiment quelque chose. Là. J'ai vraiment aimé ça. Tu as des choix à faire, ça, c'est vraiment le fun. En tout cas, le jeu, il est vraiment excellent. Puis la tournure du scénario à la fin, c'est genre, tu le vois juste pas venir du tout. Là. Ah non, regarde, c'est mon coup. C'est un de mes coups de cœur en 2012, facile. Là. Sur quelle console? Tu m'as parlé de 360, mais il doit être disponible Il est sorti sur PC, PS3, puis Xbox 360. Donc, toutes les majeures. Début de l'année, comment? Toutes les majeures, là, dans le fond. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il est sorti au début de février, début de l'année, donc fin février 2012. Puis écoute, wow, c'est un des meilleurs jeux 2012 pour moi. Un autre jeu qui a peut-être passé inaperçu parce que c'est une série qui fait longtemps qu'elle n'avait rien vu. Je pense depuis 2002 peut-être, je pense sur la PS2, le dernier titre de Spec Ops qui est arrivé. Puis malheureusement, je sais pas, le monde avait peut-être décidé d'abandonner la série en 2002. Parce qu'il était supposé avoir quelque chose finalement dans les autres années, puis ça a été cancellé, donc on a oublié ça. Puis il y a 2 ans à peine, avait été annoncé un nouveau Spec Ops que Jagger Development travaillait dessus en collaboration avec 2K Games. Jagger avec la coupe Longueuil, là. Donc... Non, va vomir ailleurs, là. Pas lui, là. Comme j'aime l'appeler souvent. Mais non, c'est Y-A-G-A-R. OK. C'est pas J-A-G-R. Non, c'est pas ça. Hey, mon joueur de hockey, toi. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que c'est le fun parce que des jeux, tu sais, d'habitude, on s'entend que c'est un point A au point B, tu sais tout ce qui bouge. Ou à peu près, tu sais. Call of Duty, c'est comme ça, malgré un scénario très solide. Mais dans Valor, c'est la même chose encore. Par contre, un jeu, tu sais, qui donne des choix, c'est rare que tu vois ça. Honnêtement, un jeu, tu sais, sur rail qui donne des choix, c'est très rare que tu vois ça. Puis celui-là, il y en a. Puis ça change quelque chose dans le jeu. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que, encore là, ce jeu-là, t'as des fins différentes pour le scénario. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis, ça change vraiment quelque chose. Et tu t'attends pas à ça. Puis, tu sais, ce jeu-là se déroule à Dubaï. Puis, qui dit Dubaï, ben, dit sable et tempête de sable et désert. Puis, honnêtement, quand le sable se met à tourbillonner, quand le vent se lève, puis qu'il y a vraiment une tempête du désert, attache ta broche avec de la tuque, comme dirait l'autre. Attache tes broches avec de la tuque. Ah, en tout cas. C'est un hommage à mes années de secondaire, ça, où est-ce que j'avais des broches puis j'avais viré l'expression à l'envers. En tout cas, attache ce que tu veux avec qu'est-ce que tu as sous le main, là. Mais c'est les plus beaux effets visuels que j'ai vus dans un jeu facilement. Ouais. Les tempêtes sont vraiment incroyables là, là-dedans, ce jeu-là. la chimie que tu as avec coéquipier aussi, c'est vraiment fort, c'est le fun. Dans le jeu, tu as une espèce de DJ, tu sais pas de ce qui vient vraiment. Oui, OK, il fait jouer de la musique, mais il parle un peu aussi comment que le monde réagit présentement avec qu'est-ce qui se passe dans la région, le moral, comment qu'il est, tout ça. Bon, puis en tout cas, ce gars-là, il se passe de quoi vers la fin, quand je ne dirais pas c'est quoi. Là. Mais scénario, encore là, tu sais, que tu penses qu'il va se passer quelque chose au début. Tu dis, ah ouais, regarde, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Ben non, calvasse, il se passe de quoi? Il y a une twist à un moment donné dans le scénario, puis tu ne vois pas venir, puis tu te dis, ah ouais, hein? OK, ils ont pensé vraiment à faire ça. Non, tu sais, c'est... Oui, les jeux, tu sais, il y a des majors comme Call of Duty Activision, Medal of Honor avec EA. Mais Spec Ops The Line, honnêtement, il est très solide. Puis, honnêtement, je le mets en avant. Côté ce qu'il m'a donné comme feeling, je le mets en avant de Call of Duty cette année puis de Medal of Honor. Ouais. J'ai joué à démo, moi, j'avais bien aimé. Surtout, ouais. Les contrôles sont super faciles. C'était à la Gears of War. Là. C'est vraiment un jeu à la Gears of War. Là. Moi, j'étais un amateur des séries de tir à la Call of Duty. J'ai joué énormément à Modern Warfare 1 et 2. Puis quand je me suis rendu compte qu'il sortait à tous les années, puis qu'il n'y avait pas une différence si grande que ça, puis que finalement, la différence, c'est qu'on avait rajouté du budget dans les effets spéciaux au lieu d'en rajouter sur l'histoire puis la jouabilité, j'ai décroché. Et maintenant, là, je me tourne plus vers ça, là, des shooters alternatifs, qu'on pourrait dire, avec des mondes ouverts ou encore avec des options de choix. C'est pas un monde ouvert tant que tel, mais il est quand même. Tu peux fouiller pareil. Là. Mettons, tu arrives dans une scène. Mettons, tu arrives dans un hôtel, OK? Puis il est délabré, puis tout ça. Puis bon, tu vois qu'il y a eu des combats dans l'hôtel. Puis bon, il est comme en. Comment je peux dire ça? Non, il est comme un petit peu explosé. Bon, OK? Genre un peu, ouais. Ouais, genre un peu. OK? Ben, ce jeu-là, tu as des choses à aller chercher aussi. Puis tu sais, tu regardes, des fois, il y a des jeux de tir, tu vas chercher des trucs, mettons, comme. Je sais pas, moi, des cases à faire comme ça, faut que tu trouves dans tous les niveaux, mais ça sert à rien. Lui, par exemple, quand tu cherches quand tu trouves un document, ce document-là, mettons, il donne le feedback un peu de ce que le monde vivait à cette époque-là. Fait que si tu ramasses ce document, mettons, ça te dit, OK, bon, mais pendant ce temps-là, le monde, bon, il vivait comme ça, puis bon, tu sais, il aimait pas trop ça, qu'est-ce qui se passait, puis là, ben, c'est pour ça que la guerre a été déclenchée, puis ça rapporte vraiment, c'est vraiment le fun. Fait que tu cherches, puis tu dis, ah, mais crime, OK, ça dit quelque chose, puis en plus de ça, tu as du feedback aussi sur tes personnages, tu as du feedback sur ton boss aussi, à un moment donné, avec ces documents-là, c'est vraiment le fun. Puis tu as des phases en hélicoptère aussi, puis tu as plusieurs trucs à faire. Puis comme je te dis, c'est pas ouvert, mais il y a quand même une liberté de mouvement que tu peux faire dans le jeu. Ouais, mais c'est aussi ouvert qu'un Gears of War. Fait que t'es sur rail, mais tu peux... Parce que moi, j'ai vraiment trouvé, quand je l'ai joué, j'ai pris la manette, puis je me suis dit, OK, c'est un Gears of War dans un monde réaliste. Ouais, mais t'sais. Ce qui est le fun, c'est ça. C'est que d'habitude, quand tu cours, mettons, tu veux comme sauter par-dessus un obstacle. On s'entend que t'arrêtes pas en arrière d'obstacle, puis après ça, tu sautes par-dessus, là. Il y a beaucoup de jeux de tir, c'est comme ça. T'arrives, tu cours, hop, il y a un obstacle, ah, t'arrêtes, puis après ça, tu sautes par-dessus. Non, lui, là, c'est tu cours, puis tu fais le mouvement de sauter par-dessus. Fait que, tu sais, ça rajoute encore quelque chose. C'est comme, ils ont fait un brainstorm. J'aurais aimé ça être là, honnêtement, quand ils l'ont fait. Là. Ils se sont assis, mettons, là, puis se sont dit, OK, qu'est-ce qui fonctionne dans les jeux de tir, puis qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis on dirait qu'ils ont tout pris qu'est-ce qui fonctionnait, puis ils l'ont intégré dans le jeu, puis ils ont tout enlevé le mauvais, puis ils l'ont pas mis dedans. Puis je comprends pas, honnêtement, qu'à ce jeu-là, il n'y a pas eu plus de succès que ça. Parce que c'est mon jeu de tir. C'est sûr que, bon, t'as Borderlands 2 qui est sorti, qui pète tout son passage comme jeu de tir. Mais, allez, mettons, le Borderlands 2, on s'entend que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup. Non, ce jeu-là était basé pour jouer plus à deux que tout seul, on s'entend. Ouais, parce que seul, moi, j'ai trouvé ça. Lourdeau un peu à la fin. Ouais, j'avais un sniper. Le 1, c'est comme ça aussi. T'sais, c'est basé pour jouer multijoueur. C'est pas basé pour jouer solo. Mais Spec Ops Online, honnêtement, c'est mon jeu de tir de l'année. Le multijoueur est quand même le fun. Je suis pas un gars qui joue beaucoup au multijoueur dans les jeux de tir, à part Halo, parce que Halo, ben, c'est Halo. J'ai rien à rajouter là-dessus. Je pense que tout le monde sait c'est quoi Halo en ligne. Non, mais regarde, on s'entend que Halo 2007, c'est encore un des jeux les plus. Halo 3 qui est sorti en 2007, c'est encore un des jeux les plus joués en ligne. Alors, on connaît ton amour sur cette série-là. Mais Spec Ops Online, c'est le fun parce que c'est un multijoueur qui est facile. Tu sais, oui, t'as des upgrades de tes armes, tout ça, mais t'es pas obligé d'être un super talent de mongol pour tuer tout le monde. T'sais. T'as juste à te cacher un peu, t'envoies un passé, oups, là, tu le tires. Puis, tu sais, le monde, ils ont pas. Ils commencent pas avec des sniper guns, mettons, puis toi, tu commences avec un petit fusil, t'as rien du tout. Tout le monde commence au même niveau. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool, puis c'est vraiment. Faut que tu sois vite sa gâchette. C'est ton talent qui parle et non celui du jeu, mettons, qui va faire que, ah, ben là, j'ai un meilleur fusil que toi, fait que c'est sûr, je vais te battre. T'sais. Non, c'est vraiment, faut que tu sois bon. C'est ça que je trouve le fun. C'est pour ça que je joue encore quelques fois. Ça m'arrive à l'occasion de jouer encore au multijoueur de Spec Ops Online parce que je le trouve intéressant. Disponible sur quelle console? Sorti sur PS3. Sorti sur Xbox 360. Sorti sur PC. Ouais. Et voilà. Les deux jeux que Dom a parlé, voyons. Binary Domain. Binary Domain est à 25$ sur Steam, puis Spec Ops est à bon, 29,99$, donc 30$ sur Steam. À ce prix-là, honnêtement, c'est un avoir pour la peine. Puis la campagne de Spec Ops Online, là, c'est un jeu de tir, on s'entend. Là. C'est, j'sais pas en bas de 10 heures, ça c'est clair. Moi, j'avais entendu dire que l'histoire s'essoufflait un peu en s'en allant vers la fin. Ça dépend parce que t'as plusieurs scénarios, t'as plusieurs choix à faire, puis dépendant des choix que t'as fait dans le jeu, ça a répercussion au scénario de fin. Mais, okay. Tu sais, t'es pas. Ce qui est le fun, c'est que vu qu'il y a plusieurs fins différentes, c'est un peu comme Singularity, en fait. C'est que t'es pas obligé de refaire le jeu au complet pour avoir d'autres fins. Tu fais juste refaire le dernier niveau, puis tu, okay. tu changes la perspective de ce que tu fais à la fin. Okay. Puis ça rajoute vraiment quelque chose. Mais par contre, le jeu n'est pas difficile en tant que tel, mais la mission de fin, où il faut que tu abattes je sais pas combien d'unités en même temps, là, c'est très difficile, mais à part ça, le jeu se fait quand même assez bien. Il y a peut-être deux bouts que j'ai rushé un peu dans le jeu, sinon ça se passe quand même assez bien. Tu sais, ce ne sera pas un jeu que tu vas dire ouais, c'est ordinaire, mais j'ai oublié de dire. Les jeux de tir, là, c'est rare que ça prend le décor en compte. Je veux dire que tu peux t'en servir à ton avantage. À part, tu sais, mettons, les barils rouges que tu fais exploser. Ouais. Mais lui, mettons, que tu vois qu'il y a des troupes qui t'attendent de pied ferme. Ils t'ont pas vu encore, mais tu vois qu'au-dessus d'eux autres, il y a des masses de sable qui sont entassées sur des vitres qui sont craquées. Tu sais, sur les vitres, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ils vont se faire ensevelir par le sable. C'est un petit truc comme ça que je donne. Fait que, tu sais, c'est comme je te disais tantôt, ils ont pris les meilleures idées de tous les jeux de tir, puis ils ont intégré dans un jeu. Mais c'est pas tout, là. C'est pas tous les éléments du décor. C'est vraiment des points précis, par contre. Oui, sauf que tu peux prendre le sable puis le tourner à ton avantage. C'est ça que je trouve. Ouais, c'est déjà un élément de plus que d'autres ça. Que t'en as pas, ouais. Effectivement. C'est ça. Fait que moi, je le conseille à tout le monde qui aime les jeux de tir. Puis, regarde, oui, je vais à contre-sens de tout le monde que les jeux de tir cette année, c'est Call of Duty puis c'est Borderlands. Non, mon jeu de tir, moi, de l'année, c'est Spec Ops The Line. Ah non, mais ça se défend comme choix, je suis convaincu. Mm-hmm. Ça dépend vraiment de ton style de joueur, de un, puis de deux, de ton background aussi, là, en termes de joueur. Moi, je connais des personnes, là, des jeunes, comme j'ai déjà mentionné ici, là, d'école primaire, qui disent que c'est le meilleur jeu de la vie ever, le dernier Call of Duty. Ouais, mais ils ont connu rien quasiment. C'est pas de leur faute, c'est qu'ils ont pas connu ce que nous, on a connu aussi pour se faire un background, pour faire un bagage d'expérience aussi comme joueur. Ah ouais. Eux autres, ils ont commencé bien souvent avec la PS3, la Xbox, puis peut-être un petit peu avant. Fait qu'ils ont pas connu ce que c'était avant les premiers jeux de tir. Hein. Mais parce qu'ils devraient pas connaître ça non plus, parce que c'est classé mature ces jeux-là, puis ils sont au primaire. Mais tu sais, je suis pas leur parent. Fait que... Non, je veux pas être plate, mais... C'est sûr, Luc, mais tu sais, ils ont pas connu les Wolfenstein, ils ont pas connu les débuts, ils ont pas connu Doom, ils ont pas connu, tu sais, ces jeux de tir-là, pour savoir jusqu'à quel point que ce style-là a évolué depuis quelques années. Ouais, je dis pas le contraire, mais même un jeune au primaire, théoriquement, devrait même pas avoir cette discussion-là. On devrait parler du dernier Mario. Ouais, je sais, Luc, mais regarde... Je vais pas embarquer nécessairement là-dedans, là, mais je veux dire... Quand j'ai joué à Doom, quand j'ai joué à Wolfenstein, là, j'étais pas majeur non plus, là. Oh, et je dis pas le contraire, on a tout joué à ça. Là, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de jeux, fait que c'était pas coté comme aujourd'hui. tu disais à tes amis, moi je jouais à GoldenEye sur les 4. Le monde disait pas, voyons donc, c'est bien violent ça, tu peux pas jouer à ça. T'sais, le monde, on s'en foutait un peu. Maintenant, c'est rendu tellement une violence graphique que t'as pas le choix. Mais avant, là, on s'entend, tu sais, c'était des pixels que tu tuais. Là. Mais maintenant, on dirait vraiment que tu tues un vrai être humain. Fait que, c'est pour ça qu'il y a une différence à faire un peu. Là. C'est rendu photoréaliste. Fait que c'est ça, faire attention un peu plus. Là. Ben oui. Donc, ça fait le tour, Dom, pour ton dossier à toi, les deux jeux, Binary Domain et Spec Ops The Line. C'est tes deux jeux, des shooters en plus. Pour les amateurs, là, ça a peut-être passé tout droit, mais des jeux notables, disons ça comme ça. Ouais, je tire avec scénario. Merci. Oui, c'est un gros plus. OK, oui. On va y aller avec ma critique. Far Cry 3, la semaine passée, je vous en ai fait une observation, mes premières heures de jeu. Je me suis avancé énormément dans l'histoire principale parce que au début, je m'étais concentré à améliorer mon personnage, entre autres via la chasse, la cueillette de plantes. C'est un des trucs intéressants dans ce jeu-là, mais qu'on délaisse quand même relativement rapidement. Dès qu'on commence à conquérir le territoire, on va chercher le maximum d'équipement, puis après ça, on laisse pas mal tomber la chasse. Donc, pour ceux qui s'inquiètent à savoir, ouais, mais là, vous allez tuer des pauvres petites bêtes pour rien, ça fait quasiment 15 heures là, que j'ai pas tué une. Ouais, mais là, c'est parce que c'est toi ou eux. Ça a tout décidé. C'est ça. Quand ils m'attaquent, j'ai pas le choix, mais tu sais, de dire, ah, là, je m'en vais à la chasse. Ça fait un on très, très ça bon la, goût, la légitime violence. Vu de même. Le jeu est extrêmement beau, très, très joli, très vaste. C'est des dizaines et des dizaines de kilomètres de terrain. C'est des îlots qui constituent un archipel dans les îles Rook, qu'on appelle. On situe ça là, dans le monde entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Fait que ça vous donne en Asie du Sud-Est. Fait que ça vous donne à peu près la partie du monde où est-ce qu'on est. Trafiquant de drogue sur place, trafiquant d'armes et aussi d'humains qui se nomme Vaas qui vous kidnappe, toi et ta gang de chums, une gang de douchebags. Okay, on va se le dire. Là, la cinématique d'intro, on tout le monde se disait, ah non, on va pas jouer le paradis du douchebag. Je peux te dire de quoi? Ouais, vas-y. Je suis tellement écœuré d'entendre ce terme-là. Ouais, mais... Je suis plus capable. Ça englobe tellement bien. Si le monde savait c'était vraiment quoi un douchebag, là, il l'utiliserait même pas comme terme. Malheureusement. Mais en tout cas, je dis ça de moi. Non, mais c'est vrai. Tu vraiment c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on reflète c'est... dans les numéros d'humour, là, les pipés qui se mettent Jersey Shore. Là. Non, non. Le vrai terme douchebag, sais-tu d'où ce que ça vient? Non. Si tu feras des petites recherches, tu m'en reparleras. OK. On s'en reparlera hors. Ouais, c'est ça. On est dans un show de gaming, là. Hey! Ouais, ouais. Non, c'est juste que je suis juste plus capable de l'entendre, ce mot de terme-là, à un moment donné. C'est, comme, ouais. C'est galvaudé partout. Bon. Là, c'est comme, une gang de. La critique, le jeune. Ah ouais. Une gang de palettes en sur le côté, puis de femmes siliconées. On peut-tu te dire ça? Wow, OK. Y a-tu des Honda Civic? Ça non, mais si non, ça. Si, que... S'ils pouvaient, il okay. Y en aurait. Oh. Donc, on se retrouve sur cette île-là. Une semaine de vacances qui tourne au vinaigre. Une activité de parachute qui dévie de cette trajectoire. Ils se font kidnapper. Il y en a un qui s'échappe, qui devient votre personnage, Jason Brody, et qui va être recueilli par un local qui va lui apprendre les rudiments de base pour pouvoir se défendre et qui aura la mission de libérer ses amis. Mission qu'il va s'auto-donner. La mort de son frère, tout ça lui pèse beaucoup sur les épaules. Et finalement, va se découvrir un homme de guerrier. Et il va avoir le goût de conquérir la place, mais surtout de tasser le vilain grand méchant Voik, qui est là, Hoyt, qui est le grand méchant, parce que Vaas, c'est comme un subalterne, un peu cinglé ses bords, qui est d'ailleurs l'un des méchants les plus tripants qu'on a vu depuis très, très longtemps dans le domaine du jeu vidéo. Performance du comédien là, qui le campe, qui est tout simplement extraordinaire. Autant en français qu'en anglais, c'est lui qui fait la voix. Vraiment génial. C'est une des grosses forces de ce jeu-là. Parce qu'une fois qu'on passe à l'étape suivante, la deuxième moitié du jeu, le méchant prend un peu moins d'importance. Puisque Vaas n'y est plus. C'est un peu dommage de ce côté-là. Mais je ne raconterai pas comment, qu'est-ce qui se passe, s'il devient allié ou non. Je vous laisse ça dans le néant. Mais Hoyt... Il est un méchant beaucoup plus classique et on le hait un peu moins. Disons ça comme l'as-tu ça. L'as-tu fini? Non, pas encore. OK. Mais ça approche. Je sens que la fin s'en vient. On a une cinquantaine à soixantaine d'heures de jeu en banque. On mise beaucoup. C'est un first-person shooter, donc un jeu de tir à la première personne, mais dans lequel moins tu te sers de tes armes, mieux c'est. De tes armes à feu, mieux c'est. On va beaucoup privilégier les mises à mort là, subtiles et secrètes plus... qui vont te permettre de ne pas être vu par les ennemis parce que tu deviens rapidement de la chair à canon. Tu manges du mortier assez rapidement, puis ça fait mal. Ton personnage, c'est pas une armoire à glace. Là. Il est bon dans la subtilité et c'est vraiment ce vers quoi on mise dans le jeu. Donc, allez-y, tactique. Mon cher JB. Oui. T'as pensé quoi de l'affaire du tatouage? Ben, je trouve que. Ça rajoute quelque chose dans le jeu. Est-ce que tu trouves que. Faut expliquer que c'est relié avec les compétences qu'on acquiert tout au long de l'aventure. C'est comme ton arme de compétence part de là. Ouais. Par contre, ben, j'ai trouvé que c'était une façon comme une autre de l'amener. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Oui et non, parce que quand on joue dans le jeu, on le voit pas vraiment, à part quand on débloque des nouvelles compétences. Mm-hmm. À part ça, je vois pas... T'sais, ça donne un symbole physique d'une amélioration. Mais à part ça, ça change pas grand-chose. Ben, en fait, c'est comme les pouvoirs que tu avais dans le 1. T'sais, je veux dire, parce que le Far Cry 2 n'avait pas vraiment. Le 1, il était vraiment basé là-dessus. Tu avais plus de t'avais plus de pouvoir. Puis tu sais, c'était comme, à un moment donné, tu devenais comme un prédateur aussi. Je sais ouais. pas si tu te souviens. Oh, oui, c'est ça. Okay, oui, c'est j'y ça. Joue un t'sais, peu, oui. C'est ça. Fait que ils ont comme pris une nouvelle twist pour amener les améliorations puis les updates un peu là, de tes pouvoirs ou de tout ce que tu peux avoir de comme amélioration dans le jeu. De tes capacités, là, ouais. Ben, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que c'était logique aussi de la façon que ça se faisait. Parce que oui, plus l'aventure avance, plus tu génères. Il y a un système ben d'arborescence, aussi. De performance, de capacité qu'on débloque avec des points d'expérience. Le jeu est bien balancé de ce côté-là. C'est sûr que si vous allez conquérir tous les avant-postes qui vous vous permettre de vous déplacer rapidement d'un point à l'autre sur la carte. Vous allez faire la conquête de ça rapidement. Vous allez chercher là, toutes les vases et les reliques des civilisations anciennes. Vous allez générer beaucoup d'XP rapidement et ça va vous amener à être peut-être un petit peu plus fort que ce que le scénario de l'histoire principale vous place. Parce que ça, c'est, je disais ça là, la semaine passée, quand on en a parlé un peu dans l'émission, c'est que tu conquères des avant-postes, j'en avais une quinzaine de fêtes, tu sais, j'ai tué, là, j'en ai arraché des poumons, puis tu sais, j'en ai débâti des ennemis, et pourtant dans la trame scénaristique... Débâti! Ouais, débâti des ennemis, et pourtant dans la trame scénaristique principale, tu sais, l'histoire est encore à son tout début, tu sais, et le personnage, il est comme hyper craintif. Ouais, mais c'est ça, est-ce que tu t'attardes beaucoup ces quêtes annexes? Oui, j'ai vraiment mis beaucoup de temps sur les quêtes annexes parce que justement, ça va vous rendre la vie plus facile dans les quêtes principales. L'histoire est bien balancée, là, on sent le niveau de difficulté qui augmente au fur et à mesure, mais déjà en ayant été chercher les améliorations d'équipement, les améliorations de capacité, ça va aider grandement le joueur à rendre l'expérience plus facile. Ce que j'aime, je sais pas si tu as remarqué, toi, t'es un fan d'Assassin's Creed un peu comme moi. Ouais. Dans Assassin's Creed, mettons, quand tu vas chercher des plumes d'affaires comme ça, on s'entend? C'est considéré comme des quêtes annexes. Non, ça sert à sacre. Mais dans Far Cry 3, les quêtes annexes, ils servent à quelque chose. Tout ce que tu fais dans le jeu sert à quelque chose. Fait que, tu sais, c'est pas comme ils te forcent pas à les faire. Non, parce que ça va t'avantager dans le jeu de les faire. Exactement. Je parlais là, des reliques. Là. T'en as, je pense que t'en as une centaine, 150, là, ou je sais pas le nombre. Mais j'étais en chercher beaucoup de « Hey, je passe à côté, moi, y aller. » Ça te donne un petit bonus d'XP, d'expérience, puis ça te permet de débloquer des habiletés par la suite. Tu sais, c'est pas un bonus pour aller chercher la totalité. C'est au fur et à mesure, plus t'en as, plus t'as généré de l'expérience, plus tu vas avoir des meilleures capacités. Ah, ça, fait que rapidement, tu vois l'intérêt de perdre ton temps, entre guillemets, là, parce qu'on le perd pas vraiment, à faire ces trucs-là. T'as des courses, t'as beaucoup de trucs alentour. Très, très sympathique comme jeu. Très, très bien fait graphiquement. J'ai pas vu de bug, si ce n'est, comme j'ai mentionné dans ma critique, j'ai même mis l'image, à certains endroits où est-ce que les textures étaient étirées. Mais c'est surtout dans les montagnes, dans les crevasses, où est-ce qu'on dirait là, que le bout de texture passe de... Tu sais, il fait comme 30 cm de long, mais on le voit que c'était étiré. Là. Il, comme s'il y avait un joint qui manquait. C'est un monde ouvert aussi. Ouais. C'est pas évident de tout corriger, mais... pour un monde ouvert, honnêtement, Ubisoft, ils ont fait une calvasse de job. Ouais, vraiment. Wow. Dans les trucs ça, c'est du côté positif, là, j'ai pas mal fait le tour. Dans le côté neutre, j'ai trouvé que l'intelligence artificielle, une fois qu'ils t'ont repéré, parce que c'est ça, il faut faire bien attention, on joue beaucoup dans la subtilité, dans le côté furtif, une fois qu'on t'a repéré, l'intelligence artificielle est bien réveillée. Par contre, quand elle ne t'a pas réveillé, elle ne t'a pas aperçu, on dirait qu'elle est un petit peu plus au neutre. Mais je m'explique. On se comprend. Le gars, il est subtil. Il fait ça furtivement. Tue un gars. Ça va bien. Le problème, c'est que parfois, les autres ennemis qui sont encore en vie vont passer dans les parages puis ils se rendront pas compte qu'il y a un corps à terre. Ça les allumera pas de « Hey, il y a quelque chose qui se passe. » As-tu changé le niveau de difficulté juste pour voir s'il y avait une différence? Ben, des fois, ils se réveillent. T'sais, des fois, ça les allume. D'autres fois, non. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu débalancé de ce côté-là. Que c'était pas égal. Mais encore là, c'est comme je dis, là, c'est un point neutre. Autre truc, le passage du... question de même, les corps disparaissent-tu après un certain temps non. Ou s'ils restent toujours là? Ça reste là, en fait, à moins que tu passes là, d'un point rapide à un autre. Ben, tu peux même les brûler pour laisser de traces, si tu veux. En plus. OK. Ouais, parce que j'avais trouvé ça un peu bizarre dans Ghost Recon, Future Soldier. T'sais, c'est bien important. Il y a certains niveaux, faut pas que tu te fasses voir. Fait que tu tues quelqu'un, il y a un cadavre à terre, le gars fait sa ronde, il arrive, puis s'il voit le cadavre, il part l'alarme. Mais si tu attendais assez longtemps, le cadavre disparaissait, puis tu étais correct. Fait que je me demandais si c'était comme ça dans Far Cry. Non, c'est bien géré. D'ailleurs, le fait de pouvoir mettre à mort un ennemi et après ça, traîner le corps, c'est une capacité spéciale. T'as pas ça dès le départ. Fait que ça rend la tâche plus compliquée. La capacité ninja? Les déplacements sans faire de bruit? Oui, j'ai ça. Parce que je me rappelle pas des noms de toutes les capacités. Mais t'as pas la capacité de déplacer un cadavre au début. Non. En fait, c'est le fait de... Tu vas le poignarder dans le dos, puis tu vas le tenir avec toi, puis tant que tu tiens la touche pour reculer, tu le gardes avec toi. Tu peux le traîner avec toi, c'est ça. Mais dès que t'allonges, c'est fini. Il tombe à terre. Une fois qu'il tombe à terre, tu peux pas le bouger. Tu peux pas le ramasser à terre, puis aller le cacher dans un arbre. Non, tu peux pas. Si tu le traînes avec toi, Si tu lâches pas ta gâchette, mettons, puis tu le traînes avec toi, c'est correct. Mais dès que tu le lâches, tu peux pas la reprendre par après, par exemple. OK, OK. Un petit point faible. Ça aurait pu être ajouté, mais encore là, il y a tellement de variantes dans la jouabilité que, tu sais, on peut comprendre que cette faille-là, entre guillemets, soit là. J'ai trouvé les passages du wingsuit qui te permet de planer dans les airs au parachute. J'ai trouvé que c'était compliqué, là, les touches. Ça s'activait pas super bien sur PC, mais je sais pas là, pour console. Tu joues avec une manette, tu joues avec un clavier souris? Non, avec clavier souris. Un shooter, okay. C'est clavier souris. Ah non, on ne reviendra pas là-dessus. Là. Point négatif, le petit bug de texture, comme je viens de vous dire. Conduite des véhicules, c'est un peu sec, mais on comprend que ce pas des véhicules top qualité. Il y a de la rouille puis tout. Le problème, c'est avec les VTT, où est-ce que ça bouge tellement que ça donne rapidement mal au cœur. Faut pas aller trop vite, parce que sinon, on saute, on bondit. Tu fais des défis avec les véhicules? Oui, un peu, j'en ai fait quelques-uns. Ils sont tough, hein? Oui, c'est pas évident. C'est pas la vitesse pure qui compte, c'est vraiment la trajectoire. J'en ai parlé, ça, le décalage entre le ton de la voix ou, tu sais, scénaristiquement, là, on voit que le personnage devient de plus en plus badass, mais au départ, même si t'as conquis l'île au complet, tous les avant-postes, il va quand même arriver dans les premières quêtes principales et dire « Voyons, là, je t'inquiète, je suis pas sûr d'être capable. » Tu sais, il est comme pas badass, alors que dans la réalité, tu l'es. Mais bon, ça s'améliore. C'est la chance du débutant. Ça s'améliore. C'est pour ça. Après ça, les menus sont très console. D'ailleurs, petit bug pour naviguer dans ceux-ci. Dépendamment de l'endroit où est-ce que vous êtes, ça va être les touches de déplacement. Moi, j'utilise WASD là, pour le déplacement. Mais des fois, ça va être les flèches. Des fois, ça va être ça. C'est comme pas bien... C'est pas uniformisé. Et aussi, la roulette de la souris pour défiler les textes ne fonctionne pas tout le temps. Ça aurait pu être légèrement amélioré. Et aussi, j'ai eu des bugs de fin de mission à quelques occasions où est-ce qu'il y a des éléments scriptés qui se déclenchent. Exemple, je fais une mission, je dois détruire un stock, je mets une bombe, j'ai 10 secondes de me sauver. Je me sauve, prends mes jambes à mon cou. Le problème, c'est qu'il y a un tigre qui passe par là. Le décompte se termine de 10. La cinématique part. Je suis en train de téléphoner avec mon allié, mais le tigre est en train de me bouffer. Et comme si de rien n'était, je suis encore en train de parler au téléphone, comme si de tigre, c'est ça, comme si de rien n'était. La discussion se poursuit et je suis en train de mourir. T'as dit que t'es un badass, regarde. Ouais, c'est ça. À ce point-là, voyons donc un tigre. Et aussi, scénaristiquement, j'ai trouvé que l'histoire... Oui, c'est le fun, c'est bien belle, elle est bien le fun, mais c'est pas nécessairement ce qu'on met de l'avant. Il y a d'autres joueurs qui m'ont dit « Moi, c'est là-dessus que je trippe. Moi, j'ai pas accroché tant que ça. » Une des choses qui me fait décrocher surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'occasions où est-ce que tu es laissé pour mort. J'en ai compté 5. Où est-ce que tu fais comme « Bon, c'est sûr, ils vont me tuer. » Mais non, l'ennemi se tourne de bord, comme des Batman des années 70. Là. Mais vous allez crever! Dans 30 secondes, c'est de votre mort. Puis là, Batman réussit à se sauver au lieu de l'abattre suite en partant. C'est le genre de situation que Austin Powers riait dans ses films. par rapport aux films d'action, là, dans les films d'Austin Powers, on voyait ça. Là, des requins avec des lasers qui vont vous tuer. On attend 30 secondes. Puis là, les ennemis, au lieu d'attendre de voir le gars mourir, ils s'en vont. T'sais. On sait bien que tu vas te sauver et tu vas être correct. T'sais, ça arrive comme 5 fois, dont 2 dans l'espace de 3 minutes de jeu. J'ai trouvé ça mince. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais c'est sûr que ton personnage principal n'est pas pour crever. Ça serait une fin plate pour un jeu. Oui, mais ça reste-tu ton meilleur jeu cette année? Ben moi, je vais le mettre dans la catégorie 2013, parce qu'au moment de faire le grand rendez-vous des podcasteurs, de faire le VGA, les Video Game Awards, il y avait une semaine de temps de passer avec Far Cry 3 grave, de sortie. C'est pas la critique pareil, là, je veux dire. Écoute, l'année passée au VGA, Uncharted puis Zelda, t'as même pas sorti, puis il était en catégorie jeu de l'année pareil. Ouais, ben ça, c'est pas supposé. Ben oui, mais ça, c'est moi, ça, là. Les VGA, c'est pour ça que ça perd en crédibilité, tu sais. Mais tu sais, moi, je vais le comptabiliser comme dans l'année 2013, puis jusqu'à date, il est pas mal bien parti, là. Mais tu sais, il n'y a rien encore en 2013 de sorti, là, mais c'est un excellent jeu. Si j'avais à classer avec 2012, il passerait en avant de Sleeping Dog, qui est mon numéro 1. Mais je le mets pas dans la même année, de par le laps de temps. C'est pas le même jeu non plus, là, tu sais, c'est... Mais moi, j'y vais par le plaisir que j'y ai eu à jouer. Ouais, moi, ça. C'est mon facteur numéro 1. Le fun factor, c'est numéro 1 pour moi. Et jusqu'à maintenant, Far Cry 3... Critique, c'est ça. Bien avant le graphisme. Ben oui. Malheureusement, des sites comme IGN, eux, c'est le graphisme en partant. Puis après ça, c'est correct. Tu sais. Mais moi, je me suis fait du fun avec. Oui, OK. Parfait. Là, je pars de ça avec mes points positifs. Après ça, bon, OK, y a-t-il des bugs graphiques? Oui. Mais est-ce que ça affecte la jouabilité? Non. Bon, ils ne perdront pas beaucoup de points tant qu'à ça. Bon, ça, c'est... Quand ça affecte la jouabilité, c'est là que je décroche un peu. Ouais. Mais sinon, si c'est un bug, mettons, qui me ferait, tu vois, il y a un joueur qui est... Je sais pas, tu vois, il y a un ennemi qui vogue dans les airs, qui n'est pas supposé, ou un arme qui flotte dans les airs tout seul, c'est que tu ris, tu sais. Mais sinon, pas ça, c'est pas si pire, hein. Si j'avais donné une note, ce que j'ai d'ailleurs fait sur la version écrite de ma critique, je vais y aller avec un 9.5. C'est presque parfait. C'est en fait un exemple à suivre pour les autres studios. Clin d'œil à Ubisoft, qui sont d'ailleurs les créateurs de ce jeu-là. Ça serait le fun que toutes vos franchises aient les mêmes soins que Far Cry 3 a eu. Et pour les autres studios, sachez que vous avez maintenant une barre qui est très haute à relever pour sortir des titres aussi bons. Je pense que, parlant d'Ubisoft, je sais de quelle franchise tu parles. Hein. Je pense qu'ils vont vraiment mettre les efforts pour pas sortir un autre comme ça. J'espère. Tant mais, mieux, parce tant que mieux. Si tu regardes la série des Rainbow Six, des Ghost Recon, Rayman, Lapin Crétin, whatever. En tout cas, nomme tout ce qu'il fait chez Ubisoft, c'est très bon. Hein. C'est juste Assassin's Creed 3, malheureusement, ils l'ont sorti pas assez peaufiné. Tu sais, c'est les actionnaires vraiment qui ont dit hey, non, faut te sortir avant elle. Ah ouais, dépêche-toi. Là. Il y a un mois d'octobre, il va rester deux mois pour faire des achats. Fait que le monde va l'acheter pour Noël, c'est sûr. Ok, go, on le sort. Ouais, mais c'est parce que t'as pas une mise à jour depuis ce temps-là. C'est quoi qu'attendre? Ça fait deux mois pour corriger les bugs que le monde sont tannés, qui ont laissé de côté le jeu. Je peux comprendre un peu que le monde sont tannés. Oui, tu sais, sors-moi un jeu que je peux jouer tout de suite. Pas que j'aille faire des quêtes puis je suis pas capable de les faire ou de les compléter parce que ton jeu, il est juste pas optimisé. Ouais, mais c'est comme on disait aussi dans la dernière émission, c'était, tu sais, je veux dire, Far Cry, il pouvait pas se permettre d'en manquer un deuxième de suite. Non. Tandis qu'Assassin's Creed, t'en échappes un. Ouais, mais là, c'est deux, là. Ouais, c'est Revelation aussi, là. Revelation, c'est ordinaire, là. OK. Tu sais, Revelation, mettons, t'aurais pu passer du 2 à Brotherhood au 3. Là. Revelation, là, je m'excuse, le titre Revelation, ça révèle à rien. Ah ouais, là. Ouais. T'aurais pu le mettre en DLC. Ça révèle DLC, que là. C'est une extension de trop. Ouais. T'aurais pu le mettre en DLC sur Brotherhood, puis ça aurait été bien correct. Exactement, c'est ça. Les gars, on va défoncer un petit peu, mais c'est pas grave. C'est la dernière pour 2012 on de réalité. Mais... Théoriquement, on défonce pas, on a commencé en retard. Ouais, mais c'est ça, mais ça fait une heure, là, selon mon timing. C'est ça. 45, ça ouais. Fait 60 minutes. Je vais vous demander votre jeu de l'année cette année. Et, Ben, moi, je viens de le mentionner, c'était Sleeping Dog. Ah, mais je peux pas le faire, moi. Je le garde pour la semaine prochaine pour la Force G. Come on! OK, je vais le dire, mais ce ne sera pas celui-là. OK, donc, tu nous le dis, mais c'est un mensonge. Fais semblant que tu as changé d'idée pendant la semaine parce que tu ne l'avais pas assez. Finalement, okay, j'ai rejoué. Mon jeu de l'année 2012, Halo 4. Donc, c'est pas ton jeu de l'année. C'est donc ce que tu viens de nous dire là. Ah, ben là, ça vous donne écouter jeudi prochain. Sur le factorgeek.com, jeudi, en direct, jeudi soir. Non, pas jeudi qui s'en vient, l'autre jeudi. L'autre? Le jeudi 27 décembre, c'est là qu'on va faire le tirage des bonnes Noël, ainsi qu'on va donner... L'émission, ça va être une émission spéciale. Il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de nouvelles, il n'y aura pas d'émission, finalement. Il n'y a pas de show! Non, mais ça va être juste comme nos meilleurs jeux de l'année dans toute catégorie. Jeux de l'année, 360, PS3, PC, portable, meilleur jeu de rôle, meilleur jeu, bon, tu sais, toutes les catégories. Non, name it! Ouais, c'est ça, exactement. T'sais. Et toi, Luc? Ben, moi, j'ai pas joué Skylander, là. Comment? Non. J'ai pas joué beaucoup, mais faut que je dise Walking Dead. Et voilà. J'ai joué une couple de jeux cette année, mais aucun qui m'a embarqué autant dans l'histoire puis émotivement que Walking Dead. Puis ça fait beaucoup pour un jeu. Puis quand... T'sais, quand tu vois pas le temps passer, quand tu es en train de jouer un jeu, puis tu regardes l'heure, pis tu dis, bon, ça fait déjà une heure et demie que je joue à ça, puis on dit que ça fait 15 minutes. Là. Je passais tout douette. Hein? Je disais en disant, je passais tout douette, j'étais censé me coucher. Ouais, c'est ça. Fait que c'est solide. Fait que faut que je dise Walking Dead. Bravo à Telltale Games, là, ils ont fait vraiment un job incroyable pour ça. Puis j'espère qu'ils vont nous en donner d'autres de cette qualité-là. Là. Merci beaucoup, Dominique Simard et Luc Desormeaux d'avoir été là. Merci à tous les auditeurs en direct à CILA et sur le CILAMF.com et à tous les auditeurs en différé sur le FactorGeek.com. Ce sera disponible ce soir un petit peu plus tard, d'ailleurs, Dom, il s'organise tout le temps pour que ça soit prêt bien, bien rapidement. Merci. Ouais, ouais. Le côté technique, c'est bien apprécié. Ou encore sur votre aïe patente. Merci d'avoir été là pour la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. C'était le 9e élément. Et on vous revient le 7 janvier prochain. On sera en 2013 et on sera prêt pour une nouvelle saison, une nouvelle année ensemble. Merci et beaucoup. Peut-être du hockey. Peut-être. Mais et joyeuses bon. Fêtes à tout le monde. Puis, oui, surtout. Si vous prenez un coup, ne conduisez pas, s'il vous plaît. Oh, yes. Don't drink and drive. Si vous conduisez, ben, prenez pas un coup. Genre. C'est ça. Merci beaucoup, les boys. Merci, les auditeurs, d'avoir été là. Et on se dit au 7 janvier prochain. Bye-bye. Bye. Bye. Ici François-Dominique Laramée, alias FDL des Nerds et de l'Analyse des Geeks. Vous avez aimé la réalité augmentée de ce soir? Bonne nouvelle, l'émission sera de retour la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Soyez-y.